Le 17e sommet des chefs d'État des pays non alignés est ouvert le 17 courant à l'île de Margarita du Venezuela, sous thème « La paix, la souveraineté et la solidarité pour le développement ». Y ont pris part les chefs d'État et de gouvernement et les délégués de Oron de 120 pays membres du mouvement de non-alignement, ainsi que les délégués de diverses institutions internationales. Y était présente aussi la délégation de la République populaire démocratique de Corée, conduite par Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême. Dans son discours, Kim Yong-nam a dit « Le mouvement de non-alignement est affronté aujourd'hui aussi aux graves défis à cause des menées d'agression, de guerre et d'intervention impérialiste et dominationniste. La République populaire démocratique de Corée développe la capacité militaire autodéfensive axée sur la dissuasion nucléaire et repousse les menées de guerre et de provocation continues des États-Unis afin de défendre parfaitement la dignité et la souveraineté de la nation ainsi que la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le reste du monde. » Les pays non alignés doivent arborer le drapeau d'indépendance anti-impérialiste et œuvrer pour réaliser l'émancipation du monde, vœux et aspirations communes de l'humanité, afin d'occuper la position et de s'acquitter du rôle en tant que puissante force et prise de paix contre la guerre. Ils doivent s'efforcer pour réaliser la justice internationale authentique, remettre à l'arrière les différences d'opinion, observer le principe privilégiant l'unité et la coopération, et renforcer la discipline et la capacité d'action du mouvement dans les rendez-vous internationaux tels que l'ONU. Le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée restera fidèle à l'avenir, comme par le passé, à l'idéal du mouvement de non-alignement pour un monde paisible et prospère, suivant les recommandations et inspirant des exploits des grands camarades de Kim Il-sung et Kim Jong-il. Il s'acquittera de sa responsabilité et de son rôle en tant que pays membre pour l'émancipation du monde et le développement du mouvement de non-alignement.